Chapitre 37. Elle s'était arrêtée devant le commissaire de police qui lui barrait le passage. Elle restait à la porte du salon, regardant et son mari et le commissaire de police et le juge d'instruction et le greffier. Mais surtout, elle réfléchissait. Elle tâchait de se rendre compte de la situation. La réunion de ces gens de justice, l'attitude bouleversée de son mari, son cri, son appel « Viens à mon secours » lui avaient révélé les dangers de cette situation, mais sans lui apprendre lesquels ils étaient. Avant tout, il fallait donc qu'elle trouvât le moyen de gagner du temps et qu'elle ne parlât que pour ne rien dire. « Approchez, madame, et asseyez-vous, » dit le juge d'instruction. Elle voulut prendre place à côté de la chaise que Fourcier avait occupée. Mais le commissaire de police continua à lui barrer le passage, et avec sa politesse ordinaire, il lui avança un fauteuil, puis en prenant un lui-même, il s'assit de façon à se trouver entre le mari et la femme. « Asseyez-vous, » dit le juge d'instruction à Fourcier, « et n'essayez pas d'échanger quelques signes ou des paroles particulières avec madame. » Faisant violence à son agitation, Fourcier reprit sa chaise. « Puis-je expliquer à ma femme pourquoi je l'appelle à mon secours ?» demanda-t-il. « Je vais l'expliquer moi-même, » répondit le juge d'instruction. Et en quelques paroles brèves, mais claires et précises, il donna cette explication. Depuis l'acquisition de la maison de Nogent, qui avait absorbé ses ressources, elle avait endetté de 85 000 francs, Fourcier n'avait pu mettre de côté sur ses appointements qu'une somme de 16 000 francs par an, au total 134 000 francs. Sa dette de 85 000 francs prélevée sur ce total, il lui était resté 50 000 francs. Comment, avec ces 50 000 francs, avait-il pu acheter et payer le mobilier qui garnissait cette maison? À mesure que le juge d'instruction parlait, Madame Fourcier comprenait que la situation était plus grave encore qu'elle ne l'avait redouté tout d'abord. En un mot, s'écria Fourcier, sans que les signes du juge d'instruction puissent lui imposer silence, on m'accuse d'avoir dérobé les sommes nécessaires à l'achat de ce mobilier, c'est-à-dire 500 000 ou 600 000 francs, et l'on conclut de là que puisque j'ai bien été capable de voler ces 600 000 francs, j'ai bien été capable aussi de voler les 300 000 du mandat blanc. Réponds pour moi, prouve à ces messieurs, toi qui as acheté ce mobilier, qu'il n'a pas coûté 600 000 francs. Madame Fourcier était d'une pâleur livide, comme sous l'imminence d'un évanouissement subit. Fourcier, qui la regardait, oublia l'horreur de sa situation pour ne penser qu'à sa femme. Vivement, il se leva pour venir à elle, mais le commissaire de police le retint. « Voyez, monsieur le juge d'instruction, l'effet que produit sur ma femme cette accusation monstrueuse. N'est-ce pas la protestation la plus éloquente contre ses soupçons insensés ?» Puis, s'adressant à sa femme elle-même, « Remets-toi, chère femme, ne cède pas à l'indignation, ne succombe pas à l'émotion. Ce n'est pas une preuve de ton amour qu'il faut que tu donnes en ce moment, c'est une preuve de l'inanité de ses soupçons. C'est la Providence qui t'envoie pour les dissiper. Parle !» Et il se rassit plein de confiance. Elle n'avait que quelques mots à dire, et tout serait fini. Il ne resterait qu'un cruel souvenir de ce cauchemar. Il attendit en la regardant. Cependant, elle ne parla point. Immobile dans son fauteuil, les yeux baissés, les lèvres contractées, elle restait là comme si elle était anéantie. « Calme-toi, » dit Fourcier d'une voix attendrie, « tâche de respirer un peu. » Mais elle ne respira point, elle continua de garder le silence. « Voulez-vous un verre d'eau ?» demanda le commissaire de police, toujours prévenant. Elle n'avait besoin ni d'eau, ni de quoi que ce fût, si ce n'est d'une idée. Cependant, elle accepta dans la pensée que cela lui ferait toujours gagner du temps et qu'elle trouverait peut-être quelque chose à dire. Fourcier s'était levé, mais le juge d'instruction l'arrêta. « Restez, » dit-il, « monsieur le commissaire de police va aller chercher ce verre d'eau. » Fourcier aurait voulu prendre sa femme dans ses bras, la soutenir, la rassurer. Mais après ce qu'on avait fait jusque-là pour les séparer, cela n'était pas possible. Il devait se contenter de l'encourager de la voix et du regard. « Calme-toi, calme-toi » répéta-t-il comme s'il parlait à un enfant. Mais elle ne l'écoutait pas, elle cherchait. Le commissaire de police revint, portant lui-même un verre et une carafe sur un plateau. Il versa un peu d'eau dans le verre, et avec des grâces, il l'offrit à Madame Fourcy. Cette gorgée d'eau ne lui donna pas des idées, mais elle lui donna au moins un peu de salive dans sa bouche desséchée. « Je vous écoute, madame, » dit le juge d'instruction. « Puisque c'est toi qui as acheté ce mobilier, » dit Fourcy, « explique qu'il ne vaut pas 600 000 francs. Dis ce que tu l'as payé. » Elle ne pouvait plus reculer, il fallait parler. « J'ai profité de quelques bonnes occasions, » dit-elle. « Très habilement profité, » affirma Fourcy. « Monsieur le commissaire de police, qui a des connaissances spéciales dans le commerce de l'ameublement, affirme que ce tapis vaut plus de 20 000 francs et cette tapisserie des Gobelins plus de 30 000. » Le commissaire de police inclina la tête à plusieurs reprises avec un sourire approbateur. « Je ne sais pas ce que valent ce tapis et cette tapisserie, mais je ne les ai pas payés ce prix-là, il s'en faut de beaucoup. »« Combien les avez-vous payés ?» Elle hésita. « Je ne m'en souviens pas. » Fourcy ne fut pas maître de retenir un mouvement de surprise. Sa femme, ordinairement, avait une excellente mémoire. Elle retenait tous les chiffres. « Fais un effort de mémoire, » dit-il, « et ne te laisse pas troubler par l'émotion. » Elle parut faire cet effort, mais inutilement. « Non, je ne me rappelle pas, » dit-elle. « Cela est vraiment fâcheux, » fit remarquer le juge d'instruction. « Mais vous avez un livre de dépenses, sans doute, où vous aurez inscrit ces prix. » « Je ne l'ai pas conservé. » « Au moins, vous avez des factures à quitter. » « Sans doute, mais il faudrait les chercher, car je ne sais pas où elles peuvent être. » « Eh bien, madame, cherchons-les tout de suite. » Et le juge d'instruction fit mine de se lever. « C'est que si je les ai encore, » dit-elle en se voyant prise, « elles ne sont pas ici, elles sont à Paris. » Le juge d'instruction se tourna vers Fourcy. « Vous voyez ? » dit-il. Fourcy était décontenancé. Il regardait sa femme avec une stupéfaction qui, de réponse en réponse, devenait plus profonde. Pourquoi ne parlait-elle pas franchement ? Pourquoi ces détours et ces défaites ? Car même pour lui, il était évident qu'elle n'était pas sincère et qu'elle ne cherchait qu'à s'échapper. Pourquoi ? Il n'était pas possible qu'elle ne comprît pas la gravité de la situation qu'elle lui faisait. « Allons à Paris, » dit-il en se levant vivement. « Mais je ne sais si je les ai, » dit-elle. « On ne garde pas ces anciennes factures indéfiniment. Il est probable que je les ai détruites. » De nouveau, le juge d'instruction et le commissaire échangèrent un coup d'œil qui désespéra Fourcy. Au lieu de le sauver, elle le perdait dans l'esprit de ces deux hommes qui tenaient son honneur entre leurs mains. Comment ne le comprenait-elle pas ? Après un moment de silence terriblement long, le commissaire de police intervint. « Mon Dieu, madame, » dit-il du ton d'un homme qui ne demande qu'à obliger, « il ne faut pas vous désoler pour cette disparition de vos factures. Personne ne peut trouver extraordinaire qu'après plusieurs années, vous ne les ayez pas conservées. Ce serait le contraire qui serait extraordinaire. » Elle respira et Fourcy de son côté laissa échapper un profond soupir de soulagement. « Quel brave homme, ce commissaire !» Il leur sourit à tous les deux. « Il y a un moyen bien simple de les remplacer, » dit-il en continuant. « Vous ne pouvez pas avoir oublié le nom du marchand ou des marchandes de qui vous tenez ces différents objets, le tapis, les tapisseries, les sirènes, les cuirs de cordoue, les étoffes, les vases. Donnez-nous ces noms et nous retrouverons tout de suite les prix que vous avez payés. Les marchands ne sont pas comme des particuliers, ils gardent leurs livres de commerce. » Quelques minutes plus tôt, Fourcy eut vu dans cette idée le salut, mais maintenant ce fut craintivement qu'il regarda sa femme. Elle ne répondit pas, et elle resta les yeux baissés, plus pâle encore, plus défaite. « Eh bien, madame, » demanda le juge d'instruction, « vous refusez donc de répondre ?» Et il attendit quelques instants. « Réfléchissez que votre silence ne peut s'interpréter que d'une seule manière, » dit-il sévèrement, « qui est que vous ne pouvez pas répondre ?» Et que si vous ne nous donnez pas le prix de ces tapis et de ces meubles, c'est qu'il est bien celui qu'a dit monsieur le commissaire de police. que si vous prétendez n'avoir pas conservé votre livre de dépenses, c'est qu'il vous condamnerait. Que si vous alléguez que vous n'avez plus vos factures, c'est qu'elle confirmerait notre évaluation. Enfin, que si vous refusez de nous indiquer les noms des marchands chez qui vous avez acheté ces objets, c'est que vous savez que ces marchands détruiraient d'un mot le système de défense de votre mari. De nouveau, le commissaire de police prit la parole. Permettez-moi de vous faire observer, madame, que nous cacher les noms de ces marchands n'est pas nous empêcher de les découvrir. Ces marchands qui vendent ces sortes de meubles ne sont pas nombreux à Paris. Avant 3 jours, nous saurons qui vous a vendu ces tapisseries, ce tapis oriental avec armoirie, ces sirènes. Elle attendit encore assez longtemps avant de répondre, enfin relevant ses yeux et regardant le juge d'instruction. « Puisqu'il le faut, dit-elle, je parlerai. » Mais cela dit, Madame Fourcy avait fait une pause, et au lieu de s'adresser au juge d'instruction, elle s'était tournée vers son mari, qu'elle avait longuement regardé. « Avant tout, dit-elle, je veux demander pardon à celui que j'aime, à mon mari, à l'homme le meilleur, le plus honnête, le plus droit, de la douleur que je vais lui causer. C'est la pensée de la souffrance que je dois lui infliger en parlant qui m'a jusqu'à ce moment fermé les lèvres. C'est la vue de la souffrance que je lui cause en ne parlant pas qui me les ouvre. Je ne peux pas le laisser soupçonner. Je ne peux pas le laisser accuser quand seul je suis coupable. » Et comme le juge d'instruction avait fait un mouvement, elle s'écria avec énergie. « Mais non coupable, comme vous l'entendez, messieurs. Coupable envers lui, ce qui pour moi est autrement terrible. Pardon, mon Jacques. » C'était avec stupéfaction que Fourcy l'écoutait, avec effroi, à demi levé au-dessus de sa chaise qu'il tenait d'une main, les yeux et la bouche grands ouverts, le visage convulsé. Qu'allait-elle donc dire? L'angoisse avait suspendu sa respiration. Il étouffait. Elle se tourna vers le juge d'instruction et d'une voix résolue. « Vous avez raison, dit-elle rapidement. Cet ameublement n'a pu être payé avec 50 000 francs. Non qu'il ait la valeur que vous lui attribuez, mais parce qu'il vaut évidemment plus de 50 000 francs. Je le reconnais. Je l'avoue la honte au front. J'ai trompé mon mari sur cette valeur. » Fourcy laissa échapper une sourde exclamation, un cri de douleur, une plainte étouffée, mais elle évita de regarder de son côté. Mon mari n'a donc su que ce que je lui disais, car ne connaissant rien aux choses d'ameublement et ayant toute confiance en mes paroles d'ailleurs, il n'a jamais eu la pensée de contrôler les prix que je lui donnais. « Et comment avez-vous payé ces prix ? » demanda le juge d'instruction. « Je vais vous le dire. Cela, c'est la seconde partie de mon aveu, et non la moins cruelle. Si j'hésite, si je me trouble, n'accusez que l'émotion qui me paralyse. Jamais mon mari n'a voulu faire des affaires pour son compte personnel, et malgré mes instances, il a toujours refusé de tenter des spéculations qui auraient pu l'enrichir rapidement et sûrement. Voyant sa volonté immuable et croyant que nous en serions toujours réduits à la médiocrité de ses appointements, j'ai voulu, moi, mère de famille, dans son intérêt même, dans celui de mes enfants et aussi dans le mien, je ne serais pas franche si je ne l'avouais pas, j'ai voulu risquer ce qu'il refusait si fermement. C'est là ma faute, que je me suis reprochée durement depuis, mais sans prévoir jamais qu'elle aurait les terribles conséquences qu'elle amène aujourd'hui. » Elle se cacha le visage entre les mains et elle resta ainsi quelques secondes, s'efforçant de régler ce qu'elle voulait dire. « Continuez, madame, dit le juge d'instruction. » Il fallait obéir, ce qu'elle fit. « Dans le monde où je vis, vous comprenez qu'il n'y a qu'à ouvrir les oreilles pour savoir quelles sont les bonnes affaires. Je les ai ouvertes. J'ai écouté ce qui se disait autour de moi. J'ai gagné, et c'est avec ces gains que j'ai payé ce mobilier. » Le juge d'instruction allait lui poser une question, mais violemment Fourcy le prévint. Depuis quelques instants, il s'était levé tout à fait, et debout, la tête haute, les bras croisés sur la poitrine, il tenait ses yeux attachés sur sa femme. « Pardon, monsieur le juge d'instruction, s'écria-t-il en étendant le bras, avec un geste si énergique que le juge resta bouche ouverte, sans achever le mot qu'il avait commencé. « Pardon, c'est à moi d'interroger ma femme. » »« Mais, monsieur, c'est au mari, c'est au père d'élever maintenant la voix et de faire lui-même, pour son honneur, pour l'honneur des siens, la recherche de la vérité. Si vous trouvez cette recherche mal faite, vous la reprendrez. Ici, en cette circonstance, c'est moi qui dois être le juge d'instruction. » Ce brave homme, ce bonhomme, était transfiguré, et l'autorité qu'il venait de prendre s'imposait à tous, au juge, au commissaire, à sa femme, surtout à sa femme, qui devant son regard courba la tête et baissa les yeux. « Répondez-moi, » dit-il. « Jacques, il n'y a plus de Jacques. Il y a un mari, un père, un chef de famille. C'est à lui qu'il faut répondre. Pour jouer, il faut une mise de fond. Où avez-vous eu celle que vous avez risquée ?» Elle n'hésita pas une seconde, mais ce fut au juge d'instruction qu'elle adressa sa réponse et non à son mari qu'elle ne regarda même pas. Il n'est personne de notre monde et de notre entourage qui ne m'ait attribué une grande influence sur mon mari. On voyait combien il m'aimait. La tendresse que j'éprouvais pour lui était connue de tous, et dans ces conditions, on était disposé à croire que je pouvais peser d'un certain poids sur ses déterminations. Les déterminations de M. Fourcy, cela n'avait pas grande importance, mais celles de M. Fourcy, gérant de la maison Charlemont, cela en avait une considérable. De même, l'influence que pouvait exercer la femme de ce gérant dans tel ou tel sens avait une certaine valeur. Un jour, on a voulu s'assurer de cette influence, la gagner, et on a cru le faire au moyen d'un cadeau, un diamant. Je l'ai accepté parce que l'affaire avait réussi, mais je ne l'ai pas gardé. C'est avec l'argent qu'a produit sa vente que j'ai risqué ma première spéculation. Elle a été heureuse. J'en ai entrepris une seconde qui a été plus heureuse encore. C'est avec ces gains que j'ai payé cet ameublement que je n'aurais pas pu acheter. Je le reconnais, si j'avais été réduite à nos seules ressources. » Après un moment d'hésitation, elle se tut. Ce qui avait causé cette hésitation, ça avait été une idée qui avait traversé son esprit. Si elle profitait de l'occasion pour avouer le chiffre exact de sa fortune et se débarrasser, une bonne fois, de tous ses embarras pour sortir des mensonges dans lesquels elle se débattait depuis si longtemps, ces spéculations pouvaient lui avoir donné aussi bien 2 millions que 500 000 francs. La tentation avait été forte, mais en fin de compte, elle n'avait pas osé risquer une aussi grosse partie. Cela était vraiment trop aventureux. La crise qu'elle traversait en ce moment était assez grave pour qu'elle ne pensât qu'à en sortir. Tout en regardant le juge d'instruction, elle avait jeté un coup d'œil du côté de son mari pour voir comment il acceptait cette explication. Et elle avait été effrayée de son attitude et de son visage. Évidemment, il l'accueillait mal. « Et qui vous a fait ce cadeau ? » demanda-t-il. « Monsieur Tasté, dont les affaires ont été relevées par le secours que lui a apporté la maison Charlemont. »« Est-ce Monsieur Tasté de Lille ? » demanda le juge d'instruction. « Oui, monsieur. Mais il vient de mourir. »« Justement. Cela est vraiment fâcheux, » dit le juge d'instruction. Mais Fourcy ne parut pas faire attention à cette remarque. Une femme, et surtout une femme mariée, n'engage pas des spéculations en son nom, dit-il. Qui a fait vos affaires? Un de nos amis, M. Essery, qui a bien voulu me donner ses conseils et son aide, et qui a réglé toutes mes affaires. Le directeur du Crédit Oriental? Demanda le juge d'instruction. Oui, monsieur. Qui est mort il y a 3 ans au moins. « Vraiment, madame, c'est une bien mauvaise chance de n'avoir que des morts pour témoins. » Il s'établit un silence terrible, au moins pour le mari et la femme. Fourcy s'était pris la tête à deux mains, désespérément, et il s'enfonçait les ongles dans le crâne pour se donner à lui-même la sensation de la réalité. Les paupières baissées, mais les yeux ouverts, madame Fourcy tâchait de se rendre compte de l'effet de ses paroles aussi bien sur son mari que sur le juge d'instruction et le commissaire. Elle avait senti que c'était chose grave de donner le nom des séries après celui de Tasté. 2 morts. Mais elle n'avait pas osé risquer celui de la Parisienne. Interrogée, la Parisienne ne serait-il pas forcée de parler des 300 000 francs d'Ennecard et des 100 000 francs d'achat de rente? Et alors, ne serait-ce pas la découverte de la vérité entière? Telle était la situation qu'un mot en moins pouvait aussi bien la perdre qu'un mot en plus. Et le terrible, c'était qu'elle ne pouvait pas réfléchir à ce qu'elle disait. Il fallait qu'elle parlât, et de telle façon qu'elle eût l'air de parler naturellement, sans réflexion, en obéissant qu'à la franchise. Ce fut le commissaire de police qui rompit le silence. « Monsieur le juge d'instruction, dit-il,